Votre boulanger se lève à l'aube pour vous préparer un petit déjeuner d'une qualité unique chaque jour. Ces passionnés sont mis à l'honneur la semaine prochaine sur Vivacité. Écoutez les matinales et vous remporterez peut-être votre petit déjeuner croustillant durant plusieurs semaines. En collaboration avec la PACW et les maîtres boulangers pâtissiers de votre région. Artistes et maîtres boulangers pâtissiers. La passion est au cœur de nos métiers. Les inratables de Lindbacker. Les déménageurs, aujourd'hui? On peut rater le jour de son déménagement, mais pas les actions promo chez Lindbacker. Embellissez avantageusement votre maison avec 20% de réduction sur toutes les armoires à linge. C'est chez Lindbacker. Vivacité présente... Un kangourou qui jongle pour les beaux yeux des pâquerettes. C'est ça, vivre ensemble. Pas du tout, c'est... Pour les aider à se faire une idée sur la citoyenneté... Place aux enfants. Samedi 15 octobre, en Wallonie et à Bruxelles. Info, placeauxenfants.be. Une organisation des provinces wallonnes et de la Commission communautaire française. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une croisière en mer ou un circuit en Amérique? Dépêchez-vous, vous avez jusqu'à demain pour profiter de jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances? Vous écoutez Vivacité, il est 13h. Recevoir sa paye en cash, c'est définitivement fini, sauf pour quelques secteurs, notamment les fermiers qui ont demandé une dérogation. 320 millions, c'est le nombre d'antidépresseurs avalés l'an passé en Belgique. Un chiffre en augmentation. En football, Charleroi affronte Zult Waregem ce soir à 18h. Les Zèbres ont les armes pour battre le leader actuel du classement. Ce sont les meilleurs vendeurs de post-it Cap 48. Charlotte Legrand a accompagné le patron de Soigny ce matin. 13h, voici votre journal. Simon Gérard, bonjour Simon. Bonjour Thomas, bonjour à tous. C'est une nouveauté de ce 1er octobre. Les salaires ne peuvent plus être payés en cash. Ça c'est pour le principe, mais plusieurs secteurs ont demandé une dérogation et pour cela, pas de changement immédiat, Patrick Michel. 5 secteurs veulent une dérogation. L'administration a jusqu'au mois d'avril pour se prononcer. Sont essentiellement concernés les petits commerces, ceux qui font appel à des étudiants comme les boulangeries, pâtisseries ou encore l'agriculture et l'horticulture, 2 secteurs où les travailleurs saisonniers sont nombreux. Viennent s'ajouter ensuite à cela le secteur du diamant et celui des taxis. Pour les autres sur le terrain, la nouvelle disposition ne devrait pas entraîner de grands changements. Le virement bancaire est déjà une pratique très répandue. Exemple avec cet indépendant franchisé dans le secteur de la petite restauration. Ici, on est payé pour les employés à la fin du mois, pour les ouvriers 2 fois par mois, toujours pas en compte bancaire, par virement. Donc voilà, pour laisser une trace. Laisser une trace, c'est bien là l'objectif principal recherché. Le versement bancaire permet une plus grande transparence d'un point de vue financier et par là, il contribue à diminuer les risques de fraude sociale. Les explications de Patrick Michel et à partir d'aujourd'hui également, casque, permis et plaque d'immatriculation obligatoires pour les vélos électriques les plus puissants, ceux qui peuvent dépasser les 25 km/h. Ce 1er octobre, c'est aussi l'apparition du cours de philosophie et citoyenneté, une heure de cours pour les enfants de l'enseignement primaire officiel. Pourquoi ne pas retarder les soldes d'un mois? Selon un sondage du syndicat neutre des indépendants, 6 commerçants sur 10 y seraient favorables. Question de météo, disent les commerçants. Il fait trop chaud, il fait trop pluvieux. Ces 5 dernières années, les soldes d'hiver en janvier et d'été en juillet ont eu finalement assez peu de succès. Nouvelle polémique dans le dossier nucléaire. Et cette fois, c'est l'Europe qui s'en mêle. Elle a fait savoir à l'État belge que la prolongation de 3 réacteurs pourrait constituer une aide illégale. La Commission européenne examine de près un accord. En cas d'arrêt anticipé d'Doul 1, d'Doul 2 et Tihange 1, l'État belge devrait indemniser EDF et Electrabel. Alors, est-ce vraiment une aide d'État illégale? Absolument pas, estime Marie-Christine Marghem, la ministre de l'Énergie. Nous, notre analyse du côté de l'État belge, c'est de dire que même s'il y avait une aide d'État, et nous disons le contraire, nous disons qu'il n'y en a pas, mais même s'il y en avait une, elle serait compatible avec le droit de la concurrence européenne. Quand on voit d'autres exemples dans d'autres pays européens avec des centrales nucléaires et des conventions qui ont été prises, notamment par exemple en Angleterre sur Hinkley Point, avec un prix garanti de l'électricité. Ça ne remettrait pas en cause le fait qu'on ait prolongé la vie de ces centrales pour 10 ans? Non, absolument pas, puisque c'est la législation qui permet cette prolongation et que la législation, dans le cas présent, n'est pas examinée par la Commission. Ce sont les conventions seulement qui le sont. Une interview de Marc Cirlereau. On consomme de plus en plus d'antidépresseurs chez nous en Belgique. 320 millions de pilules l'année dernière. C'est 50% de plus qu'il y a 10 ans. Mais il y a un changement. Cette année, le nombre de consommateurs reste stable. Un Belge sur 10. Et ça, c'est nouveau, Simon Bourgeois. Ben oui, parce que ces dernières années, le nombre de consommateurs et le nombre de pilules augmentaient. Ben, depuis quelques mois, le nombre de consommateurs stagne. Autrement dit, ceux qui prennent des antidépresseurs ne sont pas plus nombreux, mais ils en prennent plus. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le docteur Constant, chef du service psychiatrie à Saint-Luc, parce que le danger, c'est que trop de gens en prennent inutilement. Ce qu'on voyait dans les années précédentes, c'est qu'il y avait trop de patients qui allaient chercher une boîte d'antidépresseurs et jamais une seconde. Mmh. Et là, c'est un problème. Ce sont des gens à qui on a prescrit qu'on n'aurait jamais dû prescrire parce que peut-être qu'il y a eu une amélioration spontanée de leur dépressivité dans les 2-3 semaines. Donc ça, ça signait une mauvaise utilisation. Donc ça, c'est peut-être plutôt encourageant. Ça peut signifier une meilleure stratégie dans le traitement de la dépression. Les effets des campagnes de sensibilisation, dit l'INAMI, les gens cherchent plus d'alternatives qu'avant. Aller voir un psy, par exemple. Alors, si on comprend bien, Simon, peu importe le nombre de pilules, l'objectif, c'est de diminuer le nombre de consommateurs. Oui, c'est ça, ce serait l'idéal. Moins de consommateurs, mais des gens à qui ça sert vraiment, quitte à ce qu'ils en prennent plus. On sait que pour certains patients, c'est nécessaire d'augmenter les doses. Et puis, pas oublier non plus que les antidépresseurs, c'est pas seulement pour la dépression, ça sert aussi pour les angoisses, la douleur, les burn-out. Le nombre de pilules consommées risque donc encore d'augmenter dans les prochaines années. Ce qui compte, c'est qu'elles soient bien utilisées. Merci Simon Bourgeois. En bref, en France, opération antiterroriste à Clichy en région parisienne. Un jeune homme de 18 ans a été arrêté, soupçonné de vouloir passer à l'acte. Âgé de 18 ans, le suspect serait radicalisé. Il a été mis en examen pour terrorisme. On passe au sport en football, suite de la 9e journée de Pro League ce soir avec Charleroi qui se déplace à Zulte Waregem. Ce sera à 18h. Les Zèbres, 5e au classement, pourraient faire partie des grands gagnants du week-end. Et oui, avec les chocs Standard Anderlecht et Bruges-Gand demain, les Carolos pourraient s'installer un peu plus haut dans le classement. Et selon le médian Damien Marc, le Sporting a les armes pour battre le surprenant leader de la compétition. Notre secteur offensif est quelque chose de très important pour nous. C'est des garçons qui vont très vite en contre-attaque. Et voilà, je ne vais pas dire qu'on va s'appuyer dessus, mais ça fait partie de nos forces. Mais après, voilà, rester costaud derrière. On a su le prouver par le passé qu'on en était capable. Contre Zult, il faudra, parce qu'offensivement, c'est vraiment l'une des très bonnes équipes du championnat. Donc, il faudra encore être costaud derrière. On peut comprendre que vous aurez peut-être tendance à un petit peu laisser le ballon à Zult. On verra comment se déroulent les premières minutes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne décide jamais de ce genre de choses avant un match. On voit les premières minutes, comment ça se passe. On évite de rester acculé dans notre camp, ça, c'est sûr. Mais on verra les premières minutes et la façon dont tourne le match. Une interview signée Christophe Reculé, coup d'envoi de la rencontre, ce sera à 18h. À noter que Eupen reçoit lui Moucron, ce sera à 20h. Et puis en basket, c'est l'ouverture de la saison de Division 1 ce week-end avec en affiche Charleroi-Liège à 20h30, mais aussi un déplacement compliqué pour Mons à Ostende. À noter que Alost reçoit lui le Brussels. Si vous êtes tête en l'air ou si vous êtes solidaire tout simplement, vous en avez besoin. Je vous parle bien sûr des post-it Cap 48. Ils sont en vente actuellement. Réservez donc un bon accueil à nos vendeurs. Et le meilleur parmi les meilleurs, c'est le Patrosoigny Carrière. 2 ans d'affilée qu'il se classe meilleur vendeur parmi tous les mouvements de jeunesse partenaires de Cap 48. Charlotte Legrand a accompagné Sacha, Tommy Lee et les autres. Malgré la pluie ce matin, ils étaient motivés comme jamais. Vous allez avoir vos jolis caouets jaunes. Hein. C'est, par ce temps, c'est extraordinaire. Un L, quelqu'un a besoin? Emilien, quelqu'un veut un S? Oui. Je ne connaissais pas trop leur taille, tu vois. Il y a déjà madame qui veut acheter quelque chose. Qui fait Carrefour Market? C'est vous? Tenez. Vous êtes prudent sur la route, hein? Bonjour madame, on vend des post-it K48. Je vais t'en prendre tout de suite. Merci. À tout de suite. Cela, il coûte 10 euros 10, et cela, oui. 5. Je vais te prendre à 10. J'ai eu des élèves personnellement qui étaient handicapés, donc je suis sensibilisée à cette cause-là. Vous avez du courage, hein, par ce temps. Ah oui, c'est ce que j'ai pensé en voyant la pluie ce matin, bien sûr. Très, très courageux. Un samedi matin, il faut avoir envie, hein, mais c'est bien. C'est la relève, parce que je l'ai fait aussi pendant des années. Voilà. Et puis on a un parrain qui est aussi en chaise roulante, donc on connaît bien. Et combien ça coûte ton truc? Il y a 10 euros et 5 euros. Tu as de la monnaie? Je te donne 20. qui me rend 10. C'est déjà le deuxième que j'achète. Oui, bon, ça sert toujours. Quand ce sont des petits patronnés qui vous le demandent, vous avez du mal à dire non? Je ne saurais pas dire non. C'est inutile. For 5 euros, is it okay? Comment? And a lot of success. Okay, guys? Thank you. Hey, good. En anglais ou en français, les post-it CAP 48, c'est 5 ou 10 euros le carnet. Et c'est pour la bonne cause, bien sûr. Rappelons que la grande soirée CAP 48, ce sera dimanche prochain. Enfin, elle ouvre ses portes dans une heure, 1 km de long, plus d'une centaine d'attractions et bien sûr, la spécialité, les fameux laquements, gaufrettes souples nappelées de sirop de sucre. Je parle bien sûr de la foire de Liège, l'une des plus belles d'Europe, dit-on, à visiter jusqu'au dimanche 13 novembre inclus. Filons tout de suite sur les routes. Antoine Binamé, il y a un accident sur la E40 à Sterrebeek. Oui, l'E40 qui relie Liège à Bruxelles, accident hauteur de Sterrebeek. Soyez prudents puisque c'est la bande centrale qui est neutralisée en direction de la capitale. Pour le reste, eh bien, pas trop de soucis à nous signaler à cette heure-ci. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 13h10 sur Vivacité, retrouvons tout de suite Régine Dubois. Nouveau rendez-vous sur Vivacité, la semaine Viva. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. Jusqu'à 14h sur Vivacité, c'est la semaine Viva. Bonjour, la semaine Viva, c'est reparti avec des questions et je l'espère, Christophe, des réponses. Bonjour. Je m'y engage, on vous donnera des réponses. Oh, ça fait un peu marchand de tapis, ça. Hein, je m'y engage. Christophe Grandjean s'y engage, il vous donnera des réponses. On va revenir sur la manifestation d'hier. Comment ça se prépare une manifestation? Pratiquement, qui choisit les slogans, qui décide du parcours, etc. etc. C'est Yves Ellendorf de la CNE, le syndicat chrétien du secteur non marchand, qui nous expliquera comment ça se passe chez eux pour l'organisation d'une manifestation. Et puis beaucoup d'effervescence cette semaine dans les écoles primaires de l'enseignement officiel pour la mise en place du nouveau cours de citoyenneté qui commence lundi. Nous serons en ligne avec une institutrice qui n'est pas contente du tout. Oui, et puis hier s'est ouvert à Namur le festival du film francophone. Le FIF, c'est son petit nom, il se tiendra jusqu'à jeudi. Et on va voir avec l'organisatrice du festival, Nicole Gillet, comment ça se prépare, comment on sélectionne des films surtout pour un festival tel que le festival de Namur. Quels sont les critères? Qui vient et pourquoi? Surtout, ce sera un peu plus tard dans l'émission. L'image de la semaine d'Ophélie Fontana, ce sera le premier débat télévisé entre Hillary Clinton et Donald Trump aux États-Unis. Et le regard de Tom Salbett, notre scruteur de réseaux sociaux. Vous avez des petits yeux, Tom. Vous avez passé trop de temps sur votre tablette. Bonjour. Faut croire, en tout cas, quel que soit le sujet, il y a du pour, il y a du contre, il y a du drôle. On va voir ça tout au long de l'émission. Vous restez avec nous. La semaine Viva avec Régine Dubois et Christophe Grandjean. Et on a du pain sur la planche aujourd'hui. On démarre avec, comme d'habitude, le coup d'œil de Christophe Grandjean dans le rétroviseur. Cette semaine, on a parlé du temps. Le temps, le temps. Le temps de travail que le gouvernement fédéral voudrait allonger, fractionner, tordre dans tous les sens. Pas question pour les dizaines de milliers de manifestants jeudi dans les rues de Bruxelles. Ceux qui travaillent dans les entreprises n'ont aucune garantie. Ce qui a été créé comme emploi, c'est le temps partiel, de l'intérim, des contrats à durée déterminée. Et que dire de la notion du temps des employeurs? On a appris cette semaine que pour certains patrons, un demandeur d'emploi de 45 ans avait déjà fait son temps. Je suis passé par les agences d'intérim, je cherchais, je contactais à gauche et à droite. On n'a quasi plus aucune chance. Travailler jusqu'à 67 ans, mais être trop vieux à 45. Il y a comme qui dirait un contretemps. Dans les écoles, le temps de la réflexion. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. La philosophie et la citoyenneté au menu d'un nouveau cours dans l'enseignement primaire officiel. Mais cette semaine, encore beaucoup de confusion sur le contenu. On avait parlé de cours de rien, donc qu'est-ce qui se cache là derrière? Est-ce que ce cours ne se rapproche pas des cours de morale et de religion? Et pourtant, le temps presse, la première leçon, c'est lundi. Les affres du temps pour Hillary Clinton et Donald Trump aux États-Unis. À 68 et 70 ans, s'ils veulent passer un peu de temps à la Maison-Blanche, c'est maintenant. Mais le temps n'a-t-il pas miné leur endurance? En anglais, endurance, ça se dit stamina. I don't believe that Hillary has the stamina. Je ne pense pas qu'Hillary a l'endurance, lance Trump lors du premier débat face à sa rivale. La réponse d'Hillary Clinton à Donald Trump est cinglante. Quand il aura voyagé dans 112 pays pour négocier des accords de paix et des cessez-le-feu, il pourra me parler d'endurance. Le temps des adieux hier en Israël, les funérailles de Shimon Peres. Le prix Nobel de la paix aura mené une politique parfois controversée, mais de son temps, Israéliens et Palestiniens s'étaient serré la main. Il est peut-être temps de s'en souvenir. Le rétroviseur de Christophe Grandjean, et vous ne vous rendez pas compte, mais il passe des heures à faire des recherches, à chercher la bonne musique. Mais en même temps, c'est très amusant. Et oui, et sachez que ce rétroviseur, vous le retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, sur le site de Vivacité, mise en image. Donc, si vous avez envie d'avoir l'image qui accompagne, vous allez faire un tour sur le compte Facebook de Vivacité, par exemple, ou sur notre site internet vivacité.be. On descend dans la rue ? On y va. Formation des troupes en tortue aux endroits stratosphériques. Francis, Julo, Tutu, Rachid, Papin, Gare du Nord. Mimile, Fredo, Tintin, JP, JC, VD, Mayday, Mayday, Tango, Papat. C'est pas une liste, c'est une checklist, hein, allez. Avec nous, couchés sur le ring et dans le bon sens, pas comme la dernière fois, les gars. Et on ne jette pas des canettes pleines sur les flics qui n'attendent que ça. La semaine Viva. Vous avez reconnu la voix de Jérôme Dewarzé. Ah, il adore faire le syndicaliste. Extrait de son sketch Le syndicaliste, qu'on vous conseille d'aller voir sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. C'est quand même vraiment, vraiment très drôle. Et si on parle de syndicaliste, c'est parce qu'il y a eu une manifestation, jeudi, Christophe. Ouais, une grosse manifestation dans les rues de Bruxelles. Alors bon, les chiffres varient toujours entre les organisateurs et la police. Donc c'est entre 45 000 et 70 000 personnes contre la politique du gouvernement fédéral. Alors dans notre souci de poser des questions concrètes dans cette émission, on s'est demandé cette semaine comment ça s'organise une manifestation, comment ça se décide un parcours, qui s'occupe des calicots, qui dans les syndicats choisit les slogans, qui les lance. Et pour y répondre, nous avons avec nous Yves Ellendorf de la CNE, le syndicat chrétien du secteur non marchand. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça se passe au moment où la date de la manifestation est fixée? Quelles sont les étapes importantes de préparation en ce qui vous concerne? Globalement, il y a une intense discussion avec les forces de l'ordre sur le parcours, sur l'heure, sur le moment où on fait les discours, quel type d'engins peuvent circuler au milieu des manifestants. Donc cette partie-là est une partie importante. Elle vise évidemment à une cohérence, à la sécurité, mais aussi à une visibilité. Alors qu'aviez-vous prévu jeudi pour vous faire voir et pour vous faire entendre dans cette grande manifestation ? Mais évidemment, il y a les classiques. Hein, donc, on a à chaque fois le matériel de base qui sont les couleurs, qui sont les drapeaux, qui sont. Voilà. Et puis, les identifiants sectoriels. Donc, on va avoir, par exemple, pour le non-marchand, quelque chose comme le non-marchand en colère, ou priorité aux investissements dans le bien-être, ou les hôpitaux sont là, les maisons de repos sont là, enfin, ce genre de choses. Donc, ça, c'est, je dirais, la base. Identifier vraiment. Voilà. Et puis, ben oui, en effet, on essaie de faire passer un message. Alors, on essaie de le faire passer vis-à-vis des militants qu'on emmène et des travailleurs qu'on essaie de convaincre, et on essaie de le faire passer en espérant que les médias seront attirés. Le but, c'est d'être vu à la télé le soir. Oh, c'est un des buts, évidemment. Moi, j'ai déjà eu une manifestation du non-marchand où on était 20 000 personnes et où c'est pas passé à la télé le soir. J'aime autant vous dire que pendant 15 jours après, les gens qui avaient participé, ils râlaient sur nous. D'abord, et sur les médias ensuite. Le slogan « Vu à la télé » reste aussi valable pour nous. Alors, je vais peut-être vous faire de la peine, mais on a vu beaucoup les Pokémon du syndicat libéral au journal télévisé. Est-ce que vous n'êtes pas passé là à côté de la bonne idée ? C'est évident. Ça, c'est le problème maintenant du lien avec les médias. Donc, on voit une fragilité de plus en plus forte de la capacité de traduire les revendications en images, en outils médiatiques. Et donc ça, c'est clairement un défi pour les organisations syndicales. C'est-à-dire de trouver le truc qui sera l'image du jour et qui attirera l'attention des caméras et des médias. Exactement. Il faut absolument attirer le regard, en fait. Et donc moi, là, je dis toujours, en commençant mes réunions dans mes comités sectoriels, je dis, est-ce qu'on a un candidat cette fois-ci ? Un candidat à quoi? Ben, on voudrait avoir quelqu'un qui est d'accord de s'immoler. Carrément. Ah, carrément. Oui, c'est ça que vous demandez. Il faut donner de sa personne. Mais, voilà, et là, on est sûr de faire le buzz. Mais est-ce que c'est ça, vers ça qu'on doit aller? Donc, évidemment, tout le monde rigole et qu'après, on passe à des choses sérieuses. Mais c'est un peu ça, c'est leur dire, voilà, si vous ne créez pas quelque chose d'un peu original, vous savez que de toute façon, on ne passera pas. Ou bien, il faut être extrêmement nombreux, ou bien il faut être très original. Alors Yves Elender, vous avez aujourd'hui un autre outil supplémentaire par rapport à il y a une dizaine d'années. Ce sont les réseaux sociaux et nous avons Tom Salbet qui scrute les réseaux sociaux pour nous. Est-ce qu'il y a eu, Tom, des réactions sur cette manif de jeudi sur les réseaux sociaux? Évidemment, chaque manifestation engendre son lot de réactions sur les réseaux sociaux, concentrées cette fois-ci autour du hashtag 29 septembre en raccourci. Alors je vous fais grâce des nombreux tweets polémiques, des longues discussions en commentaires de sites info qui ne mettent jamais personne d'accord, évidemment. Ce qu'on peut dire, c'est que c'était déjà un lieu d'information, les réseaux sociaux, dans ce cas-ci. J'y étais moi-même au milieu de la cohue, avec les transports en commun, et par exemple, la STIB, la SNCB, Mobiris, aussi le compte officiel de la mobilité à Bruxelles, permettent de s'informer. C'est vrai que c'est très pratique, et dans ce cas-là, les réseaux sociaux peuvent être très intéressants. Bon, les politiques étaient évidemment de la partie, ils étaient dans la manifestation avec quelques smartphones, histoire d'en profiter pour communiquer. Elio Di Rupo qui parle avec des vrais gens, petit cahouet rouge. Et évidemment, à ce moment-là, un smartphone passe et ça se retrouve sur son compte Twitter et ça se partage. Le compte de la SPA a retweeté plusieurs photos aussi avec leur officier, le Twitter account. Et les représentants du PTB ou encore des colos étaient aussi présents, ont profité pour poster quelques tweets. Ça serait dommage de louper une occasion de communiquer. Bon, comme toujours sur Twitter et sur les réseaux sociaux, il y a aussi eu des réactions un peu plus légères, j'en suis sûre. Oui, par exemple, le compte Nav Belge sur Twitter qui dit « Je suis passé deux fois dans la manif, je croyais qu'il y aurait plus de monde, juste un putois qui gueulait en flamand sur de la techno. » C'est vrai que la musique n'est pas toujours de très bon goût sur les manifestations. Toffinois qui dit « DJ fin, les barbecues sont lancés. » Je vous rassure, à 14h, les terrasses étaient bien pleines. Évidemment, l'autre star, on en parlait avec Christophe, c'était les Pikachu. Pikachu, de nombreuses photos et vidéos de ce faux Charles Michel qui essaie d'attraper les travailleurs symbolisés par des Pikachu ont circulé. Et puis, un autre sujet de débat, et on le disait aussi en introduction, on ne sait jamais combien il y a de manifestants. Ici, 45 000 selon la police, 70 000 selon les organisateurs. Selon Depapleu, la différence de chiffres vient du fait que la police compte ceux qui manifestent et pas ceux qui font du shopping. Ou alors, Edouard qui dit cet écart est énorme. Finalement, la seule fois où les chiffres coïncident, c'est quand la police manifeste. Yves Elender, vous êtes attentif à ce qui se dit sur les réseaux sociaux après une manifestation par rapport à votre travail, à votre présence dans la rue? Oui, tout à fait. Donc d'abord, chez les militants et chez les travailleurs, c'est devenu un déclic aussi chez eux. Donc, on tweet pendant la manif. On tweet, voilà. Ouais. Et on partage. On envoie aux collègues qui sont au boulot, on essaie aussi de montrer qu'on y était, etc. Et donc, c'est aussi, ce que je disais tout à l'heure, un retour vers la base, vers les gens du terrain, et ça fait partie aussi de l'ambiance actuelle. Ça, c'est évident, on voit cette évolution. Chez nous aussi, évidemment, hier, on a décrypté au niveau de notre service communication ce qui se passait, et en effet, on essaie à partir de là de réagir, de compléter l'information, d'identifier, d'illustrer, etc. Donc c'est un travail qui se fait maintenant de façon assez professionnelle chez nous aussi. Si vous regardez l'ensemble de votre carrière, Yves Elender, quelle est l'action au sein d'une manifestation dont vous êtes le plus fier? Celle qui est, vous dites, ouais, là c'était vraiment la grande idée, quoi. Peut-être une qui a bien marché un jour, c'était quand même de dévisser une fenêtre de la boule supérieure de l'atomium pour descendre un calicot pour la régularisation des sans-papiers. Ah, ça c'est fortiche. Un bon coup, ça. Voilà. Pas mal ça. Merci Yves Elender de la CNE, donc le syndicat chrétien du secteur non marchand, d'avoir répondu à nos questions. Et merci aussi, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Jusqu'à 14h. La semaine Viva. Et dans quelques instants, on va parler cinéma avec le FIF, le Festival International du Film Francophone de Namur, qui a démarré hier. On en parle dans un instant. Vivacité présente. Dis maman, ce week-end, on va au Jardin des Wyrs? Tu veux dire des Vières? Ah bon, tu crois? Oh oui, ce week-end au Jardin des Vières, c'est la fête des plantes et du Jardin de l'âne. 200 professionnels belges et étrangers proposent leurs plus beaux produits et partagent leur passion de la nature. C'est 30 septembre, 1er et 2 octobre, fête des plantes et du jardin à l'âne à deux pas de Bruxelles. Les samedis 1er et dimanche 2 octobre, ce sont les Beauty Days à la Galerie en SPAC. Deux jours d'animation et de workshop beauté pour prendre soin de vous et vous faire du bien. Que du bonheur. Les 1er et 2 octobre, souriez car vous recevrez aussi votre photo et gagnerez peut-être des cadeaux. Plus d'infos sur Facebook en SPAC Shopping. En SPAC, the new place to live and shop. Pour tout savoir sur les tendances de la mode pour cet hiver, rendez-vous chez Poincaré. Jusqu'au dimanche 9 octobre, c'est la semaine de la mode chez Poincaré. Profitez de moins 15% sur toute la collection. Magasin ouvert le dimanche 2 octobre. Info et horaires, poincaré.eu. Maintenant chez AVV, 20% de réduction sur les aliments de qualité pour chiens et chats. Conditions en magasin. AVV, tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Come a Casa Delicious. Trois délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalle pancetta formaggio. Des nouveautés signées Come a Casa. Apportez un peu de chaleur. Moi, sur mon pot Nutella, j'écrirai « Je t'adore ». Des canons ou quelle biche. Coucou pour tous mes petits loups. Beau gosse pour mon copain. Je mettrai un bisou parce que j'adore les bisous. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, mais... Voulez-vous acheter mes post-it Cap 48? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10 euros au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Avec le soutien des Lions, Télépro et la Loterie Nationale. Vivacité présente à Certa Brussels Equidem, le plus grand marathon relais du monde. Samedi 15 octobre au Stade Roi-Baudouin. Formez une équipe avec vos collègues ou amis et courez ensemble la distance mythique du marathon. Ou venez encourager les plus de 1600 équipes. Infos et inscriptions sur acertabrusselsequidem.be. Une initiative d'Acerta avec l'ADH et l'A2. Vivacité et la Une présente le premier festival international de films de comédie de Liège. Du 23 au 26 novembre, rencontrez les professionnels du cinéma et faites-le plein de rires et d'émotions au Cinéma Palace et sur la place Saint-Paul. Info fifcl.be avec la ville et la province de Liège et la région wallonne. La semaine Viva. Quel est le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma, Christophe ? On ne va plus tellement au cinéma, finalement. C'est ça qui est terrible, hein, surtout avec les horaires que, les horaires que j'ai. On regarde plutôt les films à la télé ou sur Internet, je vous avoue. C'est mal. Mais je les télécharge tout à fait légalement. Voilà. Bon. Tom, le dernier film que vous êtes allé voir ? Non, si, Sable 2. Mais il faut regarder les films sur OVIO, hein, histoire d'être corporate. Ah, voilà. RTBF, OVIO, effectivement. Quelle frotte balle. Ouais. Silence, on tourne ! Le festival international du film francophone de Namur, le FIF de son petit nom, a démarré hier et Nicole Gillet, organisatrice du festival, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Il y a des films sélectionnés dans ce festival, comme dans tous les festivals. Comment ça se passe ? Parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de films disponibles que ceux que vous sélectionnez. Quels sont les critères pour sélectionner un film ? Est-ce qu'il y a une fidélité à certains réalisateurs ? Est-ce qu'il y a des accointances ? Il y a plusieurs manières de faire les choses. Et c'est vrai que, bon, d'abord, on reçoit plus de 1500 liens. Au départ, c'était des cassettes, puis ça a été des DVD, aujourd'hui ce sont des liens. Donc on en reçoit plus de 1500, on en sélectionne seulement 150. Ce sont des fictions, des documentaires, des animations. On aime aussi pouvoir montrer différents genres. On a la volonté de présenter aussi une vitrine de cette francophonie, d'avoir des films qui viennent de Belgique, de France, de Suisse, du Québec, mais aussi, par exemple, de Tunisie, du Maroc. Donc, on a ces critères-là en tête. Les autres critères, c'est... Alors, ça peut être, vous parliez de fidélité. C'est vrai qu'il y a des auteurs que l'on suit. Par exemple, cette année-ci, on clôture avec le film Divine de Ouda Benyamin. C'est une jeune réalisatrice qui a obtenu la Caméra d'Or à Cannes. Et nous, on la connaît déjà puisqu'elle a présenté son court-métrage il y a 2 ou 3 ans. C'était sur la route du paradis. Elle avait obtenu un prix. Donc, ce sont des auteurs qu'on aime suivre. Quand on a su que Ouda avait fait un long-métrage, on s'est dit, bah, on a envie de voir, on veut découvrir. Donc voilà, ça, ce sont des choses que l'on fait. On a aussi parfois la volonté et l'envie de faire découvrir des auteurs. Donc on va chercher des jeunes réalisateurs, des jeunes réalisatrices. Vous dites 1500 films, 1500 liens. Est-ce que vous regardez 1500 films. Est-ce que alors, tous les films sont visionnés? Tous les films sont visionnés, tous, absolument tous. Ça, c'est clair. Je ne les visionne pas tous. Il y a un groupe avec qui on fonctionne, avec qui on travaille. Vous êtes combien? On est une grosse dizaine. Puis on parle de ces films, on va chercher ceux qu'on a envie de défendre, on les défend vers les autres membres du groupe, et puis voilà, on finalise cette sélection. Donc c'est ça aussi, c'est pouvoir aussi avoir un regard qui soit multiple. On ne présente pas que des films que l'on aime. On a chacun des choix très spécifiques, mais on a envie de faire plaisir aussi au public et être large aussi dans... La notoriété d'un acteur, d'un réalisateur, c'est aussi, j'imagine, un critère qui fait qu'on peut sélectionner un film pour attirer les gens au festival. Bien sûr, ça peut être aussi un critère, mais on a souvent cette philosophie au Festival des Namur de mettre en avant la jeune génération. Donc, quand on a ouvert le festival il y a quelques années avec les Barons de Nabil Ben Yadir, personne ne connaissait Nabil, personne ne savait ce qu'était ce film. Eh bien, on disait, on a envie de lui donner sa chance. Et on sait que le film a super fonctionné, on sait que Nabil a fait d'autres films, on se réjouit de voir le prochain. C'est à ça aussi que doivent servir les festivals. Faire découvrir, faire émerger des jeunes, les suivre, et puis essayer de montrer que cette jeune génération, elle est là, il faut l'écouter, il faut la regarder. À côté de ça, on a des fidélités, on aime aussi suivre le parcours d'auteurs. On a ouvert avec le film des Frères Dardenne. Ce ne sont pas des jeunes auteurs que l'on fait découvrir, mais la promesse avait ça, été présentée. C'est pour le prestige, en fait. C'est important d'avoir des stars aussi. C'est important d'avoir des stars aussi, bien sûr, mais c'est vrai que, voilà, le premier film des Frères, enfin, un des premiers films des Frères Dardenne, La Promesse, avait été primé à Namur. Olivier Gourmet a obtenu son premier prix à Namur pour ce film-là. On a toujours suivi évidemment ce que font les frères. Ils se sont fait très bien remarquer à Cannes et grâce à tous les prix qu'ils ont obtenus, ils ont aussi mis en avant le cinéma belge. Donc nous, on est heureux cette fois-ci de pouvoir aussi diffuser en ouverture, d'avoir pu diffuser en ouverture le film des Frères Dardenne. Voilà, c'est ça aussi, pouvoir grâce à des films emblématiques, des personnalités emblématiques, attirer aussi le regard du grand public. On a parlé des critères de sélection. Quels sont les critères excluants d'office pour ne pas sélectionner un film? Qu'est-ce qui fait que vous ne le prenez pas? Alors, c'est un festival du film francophone, donc il est clair qu'il y a d'abord là un objectif, c'est de présenter des films de la francophonie. Ça ne veut pas dire que ce sont des films en langue française. C'est vrai que la francophonie, elle a évolué. Dans un premier temps, par exemple, quand on diffusait du cinéma africain, ils étaient tous en français. Aujourd'hui, si on prend le film de Moussa Touré, La Pirogue, qui a été présenté il y a quelques années, ce film, il était en wolof, en bambara et en français. C'est un mélange de langues parce que la personne qui vit là dans les rues à Dakar ou au Sénégal va s'exprimer dans toutes ces langues-là. Donc ce sont des films qui sont aujourd'hui plus le reflet évidemment de la vie locale. Et avant, ça faisait peut-être un petit peu plus ampoulé, c'était un peu moins juste, un peu moins vrai. C'est pour ça aussi que les films marocains, tunisiens, si à une certaine période ils étaient beaucoup en français, aujourd'hui ils sont en arabe, mais pour autant le scénario a été souvent écrit en français. Ce sont des coproductions avec la France, avec la Belgique, donc voilà, ce sont... Mais ça, c'est pas des critères excluants. Qu'est-ce qui fait que vous ne prenez pas un film? Non. On ne prendra pas un film, si on avait un film belge tout en anglais, on se poserait des questions quand même. Voilà, ça ce serait peut-être un critère excluant. Dans les films québécois, c'est vrai qu'on va aller rechercher majoritairement les films québécois en langue française. Les films canadiens ne sont pas présentés au Festival de Namur. Donc on a bien sûr cette recherche de la francophonie à travers, malgré tout, cette langue française qui est une langue qui véhicule la culture dans ces différents territoires. Un mot du jury peut-être. Est-ce que c'est un jury comme au Festival de Cannes? Cannes qui se réunit à huis clos pour délibérer. Bien sûr, donc cette année le jury pour le long métrage est présidé par Bouly Lanners. Il a à ses côtés Sandrine Bonner, comédienne réalisatrice française, il a Nils Schneider, un comédien québécois, il y a un roumain, il y a une écrivain qui vient de Côte d'Ivoire, Marguerite Aboué. Donc voilà, c'est un jury qui est à la fois aussi francophone, qui va voir les films en salle. On va organiser des projections spécifiques aussi pour eux. Donc ils vont voir tous les films et puis bien sûr ils vont délibérer à huis clos et pourront nous rendre les résultats le jeudi soir. Donc c'est ce jour-là que nous aurons le palmarès. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur le festival international du film francophone de Namur, le FIF, vous allez sur le site internet, hein, il y a un site, c'est fif.be, tout simplement, avec deux F. Merci beaucoup, Nicole, d'être passé par chez nous, et puis bon festival. Merci beaucoup. Jusqu'à 14h sur Vivacité, c'est la semaine Viva. Et puis une petite pensée pour quelqu'un qui nous a quitté hier et qu'à la RTBF, eh bien, on a bien connu, enfin peut-être pas directement nous, mais en tout cas en tant que spectateur, vous aussi chez vous, souvenez-vous de Monsieur Zigo, Bernard Faure qui nous a quitté hier. Bernard Faure, c'était un des pionniers de la caméra cachée. Je vous propose justement, histoire de rendre hommage, de replonger dans un petit moment d'une des caméras cachées de Monsieur Zigo. Vous êtes appelé pour faire une période militaire de 3 semaines. Mon âge? Ah, mais il n'y a pas d'âge. Je me rappelle l'armée à 65 ans. Ah oui, mais les événements commandent un peu l'actualité, vous savez ce que c'est. Et vous êtes appelé à venir au centre d'Arlon, la caserne Préa Lorsignol. Quelle est votre spécialité dans l'armée? Vous faisiez quoi? Soldat. Oui. Monsieur Zigo, Bernard Faure, donc vous vous souvenez de tout ça, Christophe. Tom est encore un peu jeune, mais vous vous souvenez, c'était bien avant François Damiens, hein, tout ça. Bernard Faure qui nous a quittés hier, on a une petite pensée pour lui et pour ses proches dans la semaine Viva. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.eu. Shopping. L'art contemporain s'installe au Woluwe Shopping pour la 3e édition de l'Art Fair, une expo trendy et gratuite. Des dizaines d'artistes de toutes disciplines exposent leurs œuvres hyper abordables. L'art contemporain sous toutes ses formes, c'est à l'Art Fair du Woluwe Shopping du 3 au 8 octobre. Shopping. Woluwe Shopping. Vivacité vous invite à l'avant-première du film d'animation Cigogne et compagnie. Les cigognes ne livrent plus de bébés. Des personnages déjantés dans une aventure décoiffante. Ça c'est une caille, ça un émeu, il y a un poulet, rien de tout ça de bol. Pour y assister, le 9 octobre à 11h à Bruxelles ou à Liège, composez le 0905 56 471 50 cents par appel. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Citroën Drogen Boss, Citroën Ever et Citroën Isère. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Citroën. Pour vos pneus et kit hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Citroën. Voir conditions en magasin. On m'avait dit, toi tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info efp-bxl.be. Viva Bruxelles présente Nuit Blanche. La nuit du 1er octobre, les artistes s'emparent du quartier européen à Bruxelles. Performance, projection, installation multimédia. Un événement incontournable et gratuit pour redécouvrir la ville. Parking de roues surveillées et bus de nuit gratuit. Info nuitblanche.brussels. Une initiative de la ville de Bruxelles avec le journal Le Soir. L'image de la semaine. L'image de la semaine amenée sur un plateau en or par Ophélie Fontana. Bonjour Ophélie. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Mais oui, très bien, et vous? On va très bien. Hein. Alors Ophélie, l'image de la semaine, c'est ce fameux débat dans le cadre des élections américaines. Premier débat télévisé entre les deux principaux candidats, donc Hillary Clinton et Donald Trump. Il y aura trois débats C'était le premier, donc c'est un moment important de la campagne. Un débat de 90 minutes qui a vraiment battu tous les records. C'est historique, 100 millions de téléspectateurs. C'est du jamais vu puisque le précédent record, il datait de 1980. C'était le débat Carter-Reagan et là, il n'y avait eu que, entre guillemets, 80 millions de téléspectateurs. Donc, on a franchi le cap des 100 millions. Ce premier débat, il est organisé sur un campus universitaire à Long Island. C'est près de New York, donc il faut un théâtre neutre, entre guillemets. Et il y avait un modérateur, un journaliste. J'allais dire, il y a un journaliste. Voilà, c'est un peu le François de Brigotte américain, pour vous donner une idée. Donc, il s'appelle Lester Holt, il a 57 ans, c'est lui qui présente le journal du soir, donc l'équivalent de 19h30 sur NBC, c'est le journal le plus regardé aux États-Unis. Est-ce que quelqu'un a gagné à la fin de ce premier débat? Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un qui a eu le dessus? Il y a des estimations parce qu'il y a des sondages qui sont réalisés essentiellement via les réseaux sociaux, etc. Chaque chaîne de télévision propose son sondage et de ces sondages, c'est Hillary Clinton qui en sort vainqueur et bon, bien sûr ça se base sur plusieurs éléments. C'est vrai qu'elle avait, elle était mieux préparée. Elle avait simplement mieux préparé ses dossiers. Voilà, c'est clair. Puis elle a quand même aussi l'expérience d'une précédente campagne où elle s'était déjà retrouvée dans ce type de débat face à Barack Obama. Donc là, elle a quand même l'avantage sur Donald Trump. Et elle a été coachée aussi par son mari, j'imagine. Voilà, bien coachée par un ancien président. Donc je pense voilà, elle est beaucoup plus expérimentée. Elle avait des réparties mieux placées, plus d'assurance. Et puis c'est vrai que Trump, il a beaucoup misé sur les propos sexistes. Il a beaucoup parlé de la santé d'Hillary Clinton. Mais il n'est jamais vraiment venu avec des arguments de fond. Elle essayait tout de suite de revenir à des choses plus concrètes, plus tangibles pour les Américains. Elle a parlé beaucoup de la guerre en Irak, du terrorisme avec l'État islamique. Elle a parlé aussi de réchauffement climatique. Et c'est vrai que lui, Trump, essayait de s'en sortir en venant avec des idées, mais jamais la méthode pour y arriver. Donc clairement, en tout cas, les téléspectateurs américains qui ont suivi ce premier débat ont vu, ont dit, via les différents sondages, que Hillary Clinton était beaucoup mieux préparée, qu'elle venait avec des choses de fond. Et ça peut paraître un détail, mais ce n'est pas un détail. Elle était extrêmement souriante. Donc à mon avis, ces spécialistes de la communication lui ont bien appris à sourire parce qu'elle a plutôt cette image un peu froide d'habitude. Oui. Mais c'est vrai que tout se travaille dans les moindres détails. La communication verbale, non verbale aussi. C'est vrai que chaque geste, chaque rictus va être exprimé. Oui, on se rend pas compte, mais tout est mesuré. Voilà, elle était beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus naturelle. On voyait un Trump beaucoup plus agacé. Et c'est vrai que, alors à ce moment-là, tout est aussi analysé par les téléspectateurs, puisque je ne sais pas si vous avez vu, surtout sur les réseaux sociaux, il y a une petite polémique de savoir si Donald Trump reniflait. Donc voilà à quoi parfois s'attarde, sur quoi s'attardent les gens. Alors lui, il est même mal à l'aise par rapport à ça. C'est vrai que vu qu'il a beaucoup attaqué Hillary Clinton sur les questions de santé, certains se sont dit, ah, il renifle tout le temps, qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Est-ce que c'est du stress? Parce que parfois, quand on est stressé, on renifle un peu et lui a prétexté des problèmes de micro, que son micro était un petit peu... Alors l'autre arène où se passent les choses, ce sont les réseaux sociaux, évidemment, après, et après. Un autre débat, c'est le débat dans le débat. Le débat est la guerre des réseaux sociaux. Donc j'ai ciblé trois différents réseaux sociaux, à commencer par Twitter. Alors là, sur Twitter, les statistiques sont là pour le prouver. C'est Trump qui a gagné, entre guillemets, puisqu'il y a eu 62% des petites phrases qu'il a sorties lors de ce premier débat qui ont été retweetées, contre 38% pour Hillary Clinton. Et c'est lui aussi, Trump, qui a le tweet le plus retweeté, 96 728 retweets pour l'une des phrases citées. Je pense que c'était sur l'environnement. Si on prend par exemple Google, qui est moins un réseau social que si on compare à Twitter. Là, pendant le débat, il y a eu 60% des Américains qui ont fait des recherches avec le nom de Clinton. Il n'y en avait que 40% pour Donald Trump. Donc là, c'est plutôt l'avantage à Hillary sur Google. Et enfin, si on prend Facebook, là, c'est moins dans une guerre de chiffres et le duel Clinton-Trump. Et là, c'est surtout les questions autour de l'État islamique et donc les questions de terrorisme qui ont été les plus commentées. Donc, c'est l'une des préoccupations principales des Américains. Et puisqu'on parle de réseaux sociaux, chaque semaine, Tom va nous proposer le portrait numérique d'une personnalité qui a fait l'actualité. Et cette semaine, c'est un portrait croisé, Tom, justement. Un double. Et c'est vrai qu'en allant jeter un petit coup d'œil au compte d'Hillary Clinton et de Donald Trump, les tendances se vérifient puisque Donald Trump a plus d'abonnés qu'Hillary sur son compte Twitter et sur son compte Facebook. Alors c'est Barack Obama qui avait donné le ton en 2008 d'utiliser les réseaux sociaux dans la campagne présidentielle. À l'époque, il avait engagé, figurez-vous, le cofondateur de Facebook pour gérer sa campagne 2.0, ce qui explique peut-être en partie le succès de cette campagne-là. Et depuis, les réseaux sociaux, on l'a dit, c'est devenu un incontournable dans les campagnes présidentielles. Alors si on va jeter un petit coup d'œil sur les comptes d'Hillary Clinton, elle a 6 500 000 abonnés sur Facebook, 9 200 000 sur Twitter. C'est une communication très maîtrisée, elle n'est pas dans la discussion, elle envoie des messages. On voit qu'elle envoie des photos, qu'elle envoie des messages en rapport avec son programme. Par exemple, des phrases du type « Aucun parent ne devrait payer plus de 10% de leurs revenus pour la santé de leurs enfants ». Donc des choses qui mettent à peu près tout le monde d'accord et qui génèrent évidemment des partages. Et c'est le but sur les réseaux sociaux. Un exemple parlant du fait que c'est très maîtrisé, très cadenassé, c'est la fameuse photo que vous avez certainement vue passer ces derniers jours, où on voit toute une foule qui se prend en selfie. Oui, c'est une photo incroyable. Hein. Une photo incroyable qu'on a vue partagée. Elle n'a pas été postée par le compte d'Hillary Clinton, mais par un certain Victor NG. Et si on vérifie, ben, il est membre du staff de sa communication. Et la photo... C'est un peu comme si c'était elle, finalement. Ben oui, la photo a été prise par Barbara Kinney, la photographe officielle de sa campagne. Campagne démocrate. Donc évidemment, tout ça, c'est bah, bien. En même temps, ça ne part pas d'elle, mais... Mais c'est pas irréfléchi. Ça serait, ça manque qu'elle n'a plus trop le temps. Elle a mais plus trop le temps de tweeter, peut-être non peut-être que mettre une photo comme ça, ce serait un manque d'humilité aussi, peut-être, si ça venait directement c'est d'elle. Donc, c'est vrai, du coup, on contourne un petit peu. Du côté de Donald Trump, 11 millions de fans sur Facebook, 12 millions d'abonnés sur Twitter, aussi très ficelé. Des photos officielles, mais une particularité, c'est qu'il envoie beaucoup de tweets polémiques. Ah ouais. Il attaque ses rivaux sur les réseaux sociaux. Et figurez-vous qu'il y a une étude qui a été faite pour savoir si... Donald Trump tweetait lui-même. Comme quoi, les chercheurs ont du temps à perdre. Mais c'est intéressant quand même de voir qu'ils ont analysé en fait la source des tweets. Et il y a des tweets qui viennent d'un iPhone et des tweets qui viennent d'un Galaxy, d'un Samsung Galaxy. Alors, ils ont regardé les photos officielles des meetings et ils se sont rendus compte que Donald Trump a un iPhone et que son chargé de communication a un Samsung Galaxy. Quelle est la différence? Eh bien, ils ont observé que les tweets les plus agressifs, quand Donald Trump attaque ses rivaux, ça vient de son téléphone à lui. Et que les photos officielles, les vidéos bien produites, les messages de campagne, eh bien, ça vient de son chargé de communication. Un exemple typique, quand il souhaite bonne chance à l'équipe olympique, ça vient du téléphone de son chargé de com. Et quand il insulte un rival, ben, ça vient de son téléphone à lui. Voilà, c'est toujours intéressant. On est toujours démasqué à un moment. Je pense que d'ailleurs, Barack Obama, lui, ça avait été précisé, quand il tweete lui-même, c'est signé B, l'initiale de son prénom. C'est la même chose en France. Et quand ce n'est pas lui, ben, c'est pas signé. C'est quand même pour mesurer parfois de qui vient le tweet exactement. Merci Ophélie. Mais à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La semaine Viva. Dans un instant, la suite de cette semaine Viva avec, si vous avez des enfants, restez bien à l'écoute. S'ils sont à l'école primaire, un sujet qui vous occupe peut-être cette semaine, le cours de citoyenneté qui débute officiellement lundi. Et on aura une prof pour nous en parler. Elle s'appelle Céline et elle n'est pas très contente. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Je comprends pourquoi cette Volvo XC60 est le SUV préféré des Belges. Oh, quelle voiture! Un système de navigation intégré, hyper clair. Parking sans stress, avec l'assistance au stationnement arrière. Et ces 8 haut-parleurs, quel son! Et avec plus de 8000 euros d'avantage, j'ai bien fait de pas hésiter. En ce moment, 8310 euros d'avantage sur la Volvo XC60. Pas étonnant qu'elle soit le SUV préféré des Belges. Rendez-vous vite chez votre distributeur Volvo. Claire était bizarre. Elle ne pouvait plus tenir sa tasse. Des difficultés à parler, sa bouche était déformée. Elle ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe. Lors de mon AVC, chaque minute a compté. Si un de ces signes apparaît, agissez. Appelez sans délai votre médecin traitant ou le 112. Découvrez d'autres témoignages sur délaiavc.eu avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Massive est devenue Light Gallery. Votre magasin Light Gallery sera exceptionnellement ouvert ce dimanche. Recevez une remise de 15% sur notre vaste gamme de luminaires. Rendez-vous dimanche dans nos magasins Zaventem et Drogen Boss ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Galerie Toison d'Or, j'adore. Allô Agnès? Oh, c'est top, top, top. Les magasins de la Galerie Toison d'Or ouvrent tous les premiers dimanches du mois. Donc, dimanche 2 octobre, ils seront ouverts de 12h à 18h. Trop bien pour découvrir les nouvelles collections. À dimanche alors. Galerie Toison d'Or, j'adore. J'adore. Ceci est un message pour les professionnels du secteur HoReCa. Vous voulez tout connaître des nouvelles tendances en food, fine food, snack, boisson, cuisine, service et découvrir des solutions de management et e-management? Visitez les 2, 3 et 4 octobre à I Love HoReCa, le salon professionnel HoReCa à Tours et Taxi. I Love HoReCa, c'est aussi le lundi 3 au soir. Une nocturne champagne sur invitation de l'un des 150 exposants que vous retrouverez sur notre site. I Love HoReCa, c'est les 2, 3 et 4 octobre à Tours et Taxi. Plus d'infos à iloveHoReCa.be. De 13h à 14h sur Vivacité, La semaine Viva avec Régine Dubois et Christophe Grandjean. On retourne sur les bancs de l'école maintenant avec le démarrage de ce fameux cours de rien. Dès lundi, de manière officielle. Si le gouvernement nous écoute, il ne va pas être content parce qu'on ne pouvait pas dire le cours de rien. Écoutez, au moins tout le monde sait de quoi on parle. Ouais, on l'avait appelé ça au début. Finalement, ce n'est pas tout à fait un cours de rien. C'est un cours de philosophie et de citoyenneté qui commence donc lundi dans les écoles primaires de l'enseignement officiel. Et c'est un cours que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été obligé de mettre en place à la suite de la plainte d'un parent qui estimait que choisir entre la morale et la religion, c'était déjà faire part de ses opinions, de ses convictions, et donc on a créé ce cours de rien qui est devenu le cours de philosophie et de citoyenneté. On peut se poser la question d'ailleurs de se dire, tiens, en choisissant le cours de citoyenneté, est-ce qu'on ne fait pas aussi état de ses opinions? Mais n'allez pas dire ça, il va encore y avoir des actions en justice. Je ne sais pas. Bon, Tom, il y a eu pas mal de réactions, ou comment ça se passe sur les réseaux sociaux avec le démarrage de ce cours de citoyenneté, lundi? Pas mal de commentaires sur Facebook, en tout cas sur le fond du cours, hein, qui est Joachim qui dit, dans un contexte où la plupart des élèves du primaire ne maîtrisent pas les fondamentaux, ça me paraît assez utopique de vouloir leur inculquer la capacité de développer une pensée argumentée, donc une vision un peu pessimiste, qui est compensée par le commentaire de Grégory, qui dit « Le cours de citoyenneté et de civisme ne devrait pas être un choix, mais une obligation dans le monde où nous vivons. » Et puis pas mal de commentaires et de critiques sur la mise en place de ce cours de citoyenneté. Oui. Avec Luc qui dit qu'il regrette qu'on ait attendu la rentrée, pour lui c'est trop tard pour commencer à organiser le cours de citoyenneté. Et Gérard, je vous lis son commentaire, « Typique à l'enseignement, on bazarde tout avec des belles idées, mais on oublie le concret de l'organisation pratique des réformes. » Ça ne concerne qu'un cours, attendez de voir la pagaille avec la réforme suivante. Et oui, et justement, au niveau pagaille, mécontentement au niveau de l'organisation, nous avons Céline avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes enseignante dans l'enseignement primaire en province de Luxembourg, et vous, effectivement, comme beaucoup d'autres, visiblement, vous n'êtes pas contente. Non, en effet, on n'est pas très contente. Enfin, moi, je suis professeure de religion. Oui. Dans le cadre du nouveau cours de PC qui doit être normalement installé à partir du 1er octobre, ben nous allons, moi et mes collègues de morale ou d'autres religions, perdre la moitié de nos heures de cours, et on doit normalement être réaffecté dans des heures de PC ou autres, et nous n'avons toujours aucune nouvelle. C'est-à-dire que vous attendez en fait de voir ce qui va se passer, alors que ça commence lundi, donc on est deux jours avant, vous attendez de savoir ce qu'il va advenir de votre horaire en fait. Exactement, donc on n'a pas d'horaire, on n'a pas d'école, on ne sait pas où on va être réaffecté pour aller travailler à partir normalement de la semaine prochaine. On attend, voilà. Quelques collègues ont reçu, eux, leurs attributions, mais... Mais par exemple, dans l'école où vous enseignez, qu'est-ce qui est prévu pour le cours de citoyenneté la semaine prochaine? Il y a quand même... il est prévu qu'il soit donné par quelqu'un et que... Non, nous, la direction nous a dit on continue comme ça, puisqu'on n'a aucune information. Donc, les deux heures de religion vont continuer à être données, en attendant que quelqu'un soit désigné pour donner ce nouveau cours. Mais, Vous avez été formée, Céline, pour donner ce cours aussi? On a dû faire une formation en tant que professeur de religion à la neutralité, donc pour être neutre, comme ça le dit bien. Maintenant, pour vraiment le cours de citoyenneté, on a eu une journée de formation l'année dernière, et avec ma collègue de morale, on s'est inscrite à 3 journées de formation qui vont avoir lieu ici cette année. Sinon, on n'a pas grand-chose. Un programme est sorti pour savoir exactement. Alors, vous qui êtes professeur de religion, vous parlez de votre collègue qui est professeur de morale. Est-ce que vous avez l'impression d'être face à quelque chose de très différent du cours de morale ou de religion? Pour ce qui est du cours de morale, en tout cas, par rapport à ce qu'on entend et par rapport au programme de morale qui était avant, a priori, ça se ressemble très fort. Par rapport au cours de religion, évidemment, ben, il faut enlever toute la dimension religieuse, mais tout ce qui est quand même citoyenneté, atelier philosophique, etc., on le fait quand même dans les cours de religion. Maintenant, je ne sais pas si ce cours, enfin, apparemment, d'après ce qu'on lit dans la presse, ce cours a été... Il y a 8% d'enfants qui ont pris le choix de prendre une deuxième heure de cours de philosophie et citoyenneté, donc ce n'est pas énorme. Non. Donc, je ne sais pas si la demande était vraiment importante. Apparemment, les parents préfèrent quand même laisser leurs enfants dans les cours de religion et de morale. Donc, qu'est-ce que vous avez appris dans votre cours pour devenir neutre là? Parce que ça fait un peu lavage de cerveau, finalement. On a essentiellement essayé de voir ce que c'était d'être neutre, le fait qu'il fallait essayer de parler de tout, mais de pas donner son avis, d'écouter tous les avis des enfants, en essayant d'ouvrir l'esprit, d'être ouvert à tout, mais... sans donner trop son avis en tout cas. Bah, écoutez, Céline, on vous souhaite bonne chance quand même pour la semaine prochaine. Hein. On espère que ça va s'arranger. On suivra bien sûr l'affaire de près, Christophe. Hein. Ah oui, on va aller dans les écoles cette semaine, évidemment, pour voir comment ça se passe. Merci Céline. Mais de rien. Bonne journée. Bonne journée. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le point levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing. Encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, qui a appris à être fier. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire. Les poings levés vers l'avenir, lever la tête, lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis l'as qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. Et j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Presque au bout de cette semaine, viva Christophe, il va se passer des choses la semaine prochaine. Ah bah il va se passer beaucoup de choses. D'abord, on va aller dans les écoles, hein, comme promis, pour voir le début de ces cours de philosophie et de citoyenneté. On verra finalement à quoi ressemble ce cours et si les enfants l'apprécient. Oui, et puis la fin du procès de Bernard Westphal, si tout va bien. Bah, ce sera sans doute jeudi ou vendredi. Les jurés devront répondre à une question principalement. L'ancien député wallon est-il coupable ou non du meurtre de sa femme Véronique Pireton? Et si oui, d'autres questions pourront peut-être s'ajouter. Par exemple, est-ce plus grave qu'un simple meurtre? S'agit-il d'un assassinat, c'est-à-dire d'un meurtre avec préméditation? Ou alors est-ce moins grave qu'un meurtre? Est-ce par exemple des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner? Réponse donc en fin de semaine prochaine. Et puis ce sera la semaine des prix Nobel, médecine, physique, chimie et puis le plus prestigieux, le prix Nobel de la paix. Quelques noms circulent déjà pour le prix Nobel de la paix. Oui. Il y a notamment le lanceur d'alerte Edward Snowden. Vous savez, c'est cet informaticien américain qui a travaillé pour les services secrets et qui a révélé comment les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des écoutes à grande échelle à travers la planète, des écoutes téléphoniques et des observations des activités Internet. Peut-être prix Nobel de la paix aussi la chancelière allemande Angela Merkel pour sa politique d'accueil des réfugiés, ou alors plus classiquement le pape François.